Chapitre 3. Le cierge de la Saint-Jean. On disait, en manière de proverbe, aux États de Bretagne, « Hardi comme chef Fontaine, fier comme Rieux, beau comme Rohan. » Guy III, comte de Rohan-Polduc, avait alors plus de 60 ans. Bien des malheurs avaient traversé sa longue vie, mais il portait merveilleusement sa vieillesse, et sans la barbe blanche qui bouclait sur sa poitrine, vous l'eussiez pris pour un homme dans la force de l'âge. Il était de haute taille, et sa figure avait cette régularité parfaite qui était comme un privilège de sa race. Le costume de chasse qu'il avait revêtu ce matin faisait ressortir le mâle dessein de ses membres. À Rennes ni à Nantes, pas un tueur de loups n'eût porté mieux que lui la jaquette tailladée, la culotte de cuir et les bottes fortes armées d'éperons d'acier. Encore, pour l'admirer à son avantage, fallait-il le voir à cheval. À Nantes, à Rennes, voir à la cour de Paris, cette huitième merveille du monde, vous eussiez cherché en vain un cavalier de sa valeur. Il descendit les degrés lentement et d'un air pensif. Il avait, au lieu d'épée, un coutelas dans sa gaine et tenait son fouet à la main. Son visage semblait pâli entre les boucles de ses longs cheveux blancs et les touffes neigeuses de sa barbe. Il n'avait point encore levé les yeux. Dans la salle, on n'entendait plus que le bruit des respirations contenues. Sur l'avant-dernière marche, Rohan s'arrêta et son regard parcourut la foule respectueusement inclinée. « Bonjour, bonnes gens, dit-il. J'ai entendu que vous m'appeliez et me voilà. Que me voulez-vous ? » La foule s'agita au lieu de répondre. Personne n'osait plus. « Eh bien, reprit Rohan avec un sourire triste, est-ce que je vous fais peur ? » ?»« Ils savent bien qu'ils sont dans leur tort, dit de loin Alain Polduc, qui était debout et découvert au-devant de sa table. Yomi, le joli sabotier, avait réussi à se glisser derrière lui et lui parlait depuis un instant déjà. « Grâce, grâce !» firent quelques voix timides. Les fillettes agitèrent leurs bouquets, dont la mer et doux parfum emplissaient la salle. Les ménagères étendirent leurs mains suppliantes et répétèrent « Grâce, grâce !» tandis que les hommes restaient immobiles et la tête baissée au second plan. « Comme notre monsieur est pâle !» murmura le vieux Joachim à l'oreille de Dame Michon, sa commère. « Je ne lui ai jamais vu cette flamme sombre dans le regard. » « Cet homme-là était auprès de son lit, à son réveil, » répliqua la bonne femme en tournant la tête à demi vers maître Alain Polduc. Elle sortit des rangs et vint mettre le pied sur la première marche, se tenant ainsi debout et la tête haute en face du vieux seigneur. « Grâce !» répéta-t-elle avec dédain. « Pourquoi grâce ? Demandez justice et Rohan vous écoutera. Il n'y a que moi pour savoir parler à mon maître. Rohan, veux-tu que tes vassaux aillent demander l'aumône de porte en porte ? Le veux-tu ? » Le comte fronça le sourcil. « Cette femme est folle !» s'écria maître Alain. « Veux-tu qu'on dise partout, continua Dame Michon, que Rohan a pris le dernier morceau de pain à ses serviteurs ?»« Non, répliqua le comte, je ne veux pas cela, bonne femme. Mais de quoi se plaignent-ils ? » ?»« Parbleu, grommela maître Alain en haussant les épaules, pour peu qu'on les écoute, ils se plaindront toujours. » »« Ils se plaignent de vous, Rohan, mon cher seigneur, répliqua la femme de charge qui prit la main du comte pour la baiser. Ils sont pauvres, leur loge tombe en ruine, leur foyer froid ne fume plus. Ils sont si pauvres qu'ils n'ont plus de quoi allumer le cierge béni de la Saint-Jean. On s'est mis en chasse au fond de la sangle, disait en ce moment le cousin Yomi, qui parlait bas toujours à l'oreille d'Alain Polduc. Le comte de Toulouse déjeune chez Feydeau, l'intendant royal, et il y a des tentes dressées à la croix de mi-forêt pour la dîner. Tout beau, Miro! Criaient les piqueurs dans la cour. « Bellement, Géraud, mon filleau !» Rohan était du prêche pour le malheur de son âme, mais il n'en savait pas long en fait de dogme et il aimait les vieilles coutumes de Bretagne. Il passa le revers de sa main sur son front. Tous les yeux s'étaient relevés sur lui avec anxiété, et chacun pouvait voir qu'il y avait en effet dans sa prunelle un rayonnement étrange. La fièvre, sans doute, car Rohan n'était pas de ceux qui s'animent au coup de l'étrier. « Es-tu là, Jocelyn Guitant ? » demanda-t-il tout à coup. « Je suis là, notre monsieur, » répondit le jeune homme. Rohan étendit son fouet vers la table et montra les sacs d'argent amoncelés. « Fais deux parts de cela, » ordonna-t-il, « deux parts égales. » Alain Polduc n'avait pas entendu, tant il écoutait de bon cœur les paroles du cousin Yomi. Celui-ci poursuivait, disant « Il n'y a plus besoin de chercher, j'ai trouvé. J'ai vu Morvan de Saint-Mahogon, comme je vous vois. Il était entre minuit et 1 heure du matin. La porte qui donne là-bas sur les douves s'est ouverte, et le cheval de Morvan est resté dans l'oseret. » « Saint-Mahogon est le gentilhomme du comte de Toulouse, » murmura Polduc. « On ne peut savoir s'il venait pour lui ou pour son maître. » Cette nuit, j'ai rencontré Jocelyn Guitant, qui courait au grand galop sur la route de Rennes. Le comte de Toulouse était à Rennes hier, et Jocelyn Guitant obéit à la demoiselle comme un esclave. « Et tu es sûr qu'elle est sortie ce matin par la poterne de l'Ouest ?»« Sûr, comme je suis sûr que le même Jocelyn Guitant m'a mis son couteau sous la gorge en m'ordonnant d'être muet. Mais je brave tout pour vous servir, mon bon maître. Veille toujours et compte sur moi. » En se retournant, maître Alain vit Jocelyn Guitant qui séparait en deux portions l'argent des fermages. Il regarda autour de lui. L'espoir brillait sur tous les visages. Il devina. « Mon noble cousin, » dit-il en se rapprochant de Rohan, « Dieu sait où nous trouverons la saison qui vient ce qu'il faut pour payer nos dettes. » « Je sais que je suis à présent un bien petit gentilhomme, » répondit le vieux comte qui semblait dominé par une préoccupation profonde. « Il y a plus d'un jour, d'ici la saison prochaine, qui vivra verra. » « Vos revenus ont tellement diminué. Nous vendrons un moulin, une ferme, un clos. Je n'ai pas d'héritier. » Un sourire glissa sur la grosse lèvre d'Alain Polduc, qui pensait à part lui. « Je vous en tiens tout près, mon noble cousin. » Rohan continuait. « Valentine, ma fille, épousera un gentilhomme paysan qui ne lui demandera rien, outre sa sagesse et sa beauté. » Et le nom de Rohan Polduc s'éteindra sans éclat, commença maître Alain, qui cherchait l'endroit sensible pour enfoncer le dard dans ce cœur engourdi. Rohan lui saisit le bras et baissa les yeux comme s'il eût voulu cacher l'éclair qu'il sentait jaillir de sa prunelle. « Aimes-tu entendre le tonnerre ? » demanda-t-il brusquement. Puis il ajouta, en tâchant de sourire, « Le ciel de Bretagne donne bien un coup de foudre à notre dernière heure, mon cousin. J'ai fait un rêve où j'ai vu le roi Louis pâlir sur son trône en écoutant le dernier soupir de Rohan. » « Voilà bien des jours, » disait cependant Dame Michon à son compère Joachim, « que notre monsieur n'est plus le même. Son œil est fixe, sa prunelle brûle. Il y a quelque terrible pensée dans l'esprit de Rohan. » « Que Dieu le garde, surtout, » murmura le vieux métayer, « de s'attaquer aux gens de France. » L'attention du gros des tenanciers était tout entière à Jocelyn Guitant, qui achevait de séparer en deux parts égales l'argent des fermages. Maître Alain comprenait que toute objection était désormais impossible. Mais il pensait, « Les actes d'un fou sont nuls et de nul effet devant la loi. »« Voyez, » reprit-il en changeant de ton et de batterie, j'allais oublier une chose qui a bien son importance aujourd'hui. N'ai-je point entendu dire que mon noble cousin avait fait faire le bois pour sa chasse jusqu'à la croix de mi-forêt ? Les brisés font le tour de la croix, suivant rapport de mon veneur, répliqua le vieillard. Il y a de ce côté-là d'autres brisés, dit maître Alain, sur lesquels il ne faut plus marcher. Vous pourriez rencontrer à la mi-forêt des gens avec qui vous ne frayez point. Notre voisin Fédot, l'intendant royal, votre beau-neveu, Morvan de Saint-Mahogon, et monseigneur le gouverneur lui-même. Toulouse sur mon domaine ? S'écria Rohan, dont la figure pâle se couvrit de rougeur. À la date d'hier, 22 juin 1705, répartit maître Alain doucereusement, la futaie de mi-forêt, mon noble cousin, ne fait plus partie de votre domaine. Vendu ? Murmura Rohan, dont la lèvre trembla. C'est vrai, chaque jour le cercle se rétrécit autour de ma maison qui chancelle. Des fenêtres de mon manoir, je verrai bientôt passer leur meute sous le couvert. Pourquoi Rohan vivrait-il quand la Bretagne est décédée? Dieu fait bien ce qu'il fait, Rohan n'a pas d'héritier. Voici deux parts de 17 500 livres chacune, dit Jocelyn Guitant qui avait achevé sa besogne. Maître Alain détourna la tête pour ne point voir. Le front du vieux comte se redressa. Il y a moitié pour moi, dit-il, moitié pour mes tenanciers dans le malheur. Je veux que vous vous partagiez ceci, bonnes gens, et qu'il ne vous soit plus parlé du restant de votre dette. Béni soyez-vous, Rohan, notre Seigneur, s'écria-t-on de toutes parts. Que Dieu et la Vierge protègent la maison de Rohan. Dieu sait bien, dit Rohan, ne parlez pas de Madame la Vierge. Ah, fit Michon, qui avait les larmes aux yeux, je parle à la Vierge malgré toi et pour toi. Tu es bon comme ton père, mon Seigneur. Puisse ta fille être heureuse maintenant que tu n'as plus de fils. Le vieux comte sembla un instant ranimé par ces acclamations cordiales. Voilà que vous avez de quoi acheter des chandelles de cire, mes enfants, dit-il. Voyons, ferons-nous une belle Saint-Jean cette année? Où donc est Valentine? N'a-t-elle point préparé le cierge de Rohan, le cierge gros comme un arbre? Il y avait du bon dans la vieille chose. Le cierge est là, répondit Dame Guitant, qui s'approcha d'une haute armoire située entre l'escalier et la cheminée. Et tout est bon, mon maître, dans la sainte église que servaient vos aïeux. Quant à notre demoiselle Valentine, glissa maître Alain, elle est sortie au point du jour, à cheval. À cheval? Répéta Rohan. Au point du jour? Voici le cierge, interrompit Dame Michon, qui avait ouvert les deux battants de l'armoire. Le cierge de Rohan avait 16 pieds de haut, et le vieux comte n'avait point exagéré en disant qu'il était gros comme un arbre. Cette masse de cire parfumée était couverte de découpures, de rubans et de fleurs. Mais c'est à peine si le vieux comte lui accorda un regard distrait. Pourquoi Valentine de Rohan ne sortirait-elle pas au point du jour, à cheval, en se parlant à lui-même? Dieu merci, je ne soupçonne pas ma fille, qui est mon dernier amour sur la terre. Retournez chez vous, bonnes gens, ajouta-t-il, en prenant le bras de maître Alain Paulduc. Réjouissez-vous si vous avez le cœur à la joie, et dites en passant qu'on rentre nos équipages de chasse. Nous voici revenus du bois. La foule des vassaux s'éloigna lentement, non sans prodiguer encore au généreux Seigneur un trésor d'action de grâce et de bénédiction. Rohan ne les écoutait plus et disait à maître Alain en remontant les marches du grand escalier. Dans le bois, à la croix de la mi-forêt, il y a une image de Sainte Anne qui est la patronne des Bretons. La pelouse est unie et vaste. Unie comme un velours, interrompit maître Alain. Si bien que le comte de Toulouse y pourra mener le bal après la collation. Le vieux comte s'arrêta au seuil du salon d'honneur. « Que dirait-il, mon cousin » demanda-t-il d'une voix sourde, « si Rohan s'invitait à leur fête ?» Alain Paulduc voulut répliquer. Le comte lui ferma la bouche d'un geste souverain. « Et si Rohan paraissait au milieu d'eux, » poursuivit-il, « avec l'épée de Pierre de Bretagne, son aïeul ?» Il poussa la porte du salon d'honneur. Derrière lui, la figure de maître Alain s'éclaira tout à coup, vivement. « Est-ce que je touche au but, déjà ? » pensait-il, ayant peine à contenir sa joie. « Et vais-je dater ma vie nouvelle, ma vie noble, riche, heureuse, de ce bon jour de la Saint-Jean ?» Dans la salle basse, Jocelyn Guitant et sa mère restaient seuls auprès du berceau où l'enfant dormait. Les bruits du chenil et de l'écurie se taisaient. La dernière charrette avait quitté le pâti. Jocelyn se pencha au-dessus du berceau et déposa un baiser sur le front de l'enfant. Quand il se releva, il tendit sa main à la bonne femme, qui la serra dans les siennes en silence. Ils restèrent un instant à se regarder. « Je me souviens de la figure que tu avais l'an passé, à pareille époque, Jocelyn, mon fils, » murmura Dame Michon. « Tu es devenu maigre et bien pâle depuis ce temps-là. Il faut du sommeil aux jeunes gens. » « Qu'as-tu fait la nuit dernière ?»« J'ai cherché, » répondit Jocelyn. « Je n'ai pas trouvé. Puisse notre demoiselle être plus heureuse que moi. »« Où donc est-elle allée ce matin ?» demanda curieusement la bonne femme. « C'est son secret, ma mère. Il y a dans la maison de Rohan un bon ange et un mauvais ange. la lutte est engagée entre eux. Moi, je fais ce que je peux pour le bon ange. » Il se dirigea vers l'armoire au cierge et répéta en baissant la voix, « Je fais ce que je peux, mais je n'ai plus guère d'espoir. » « À quoi penses-tu donc, Jocelyn, mon pauvre Jocelyn ?» demanda la femme de charge, qui le vit debout devant l'armoire dont il tenait les deux battants ouverts. « Je pense, répliqua le jeune gars, que Rohan est toujours Rohan. Il faudra 4 hommes pour porter le cierge jusqu'à l'église. » À la Saint-Jean dernière, soupira Dame Michon, notre jeune monsieur César le porta bien tout seul. Jocelyn repoussa violemment les deux battants de l'armoire qui se referma. « Notre jeune maître César était plus fort que 4 hommes, dit-il, et meilleur. » La vieille Michon essuya une larme à la dérobée. Jocelyn vint s'asseoir au coin du foyer. Machinalement, il toucha du bout de son soulier ferré les 2 tisons noircis qui semblaient étouffés sous la cendre et qui ne fumaient plus. La cendre tomba. Le courant d'air se fit et la flamme caressa gaiement le chaudron pendu à la crémaillère. « Tu vois bien, fillot, dit la bonne femme qui regardait cela en souriant à travers ses larmes, « tant qu'il reste une étincelle, on peut ranimer le feu. » Jocelyn secoua la tête. « Il n'y a qu'une fille dans ce berceau, murmura-t-il avec accablement. « Tu renonces donc à découvrir le fils de notre jeune maître ? Demanda Michon Guitan. Au lieu de répondre, Jocelyn demanda. « Ma mère, savez-vous ce qu'on dit à la ville ?» Dame Michon rapprocha vivement son escabelle. « À la ville, reprit Jocelyn, on dit que le roi a cassé l'édit qui protégeait les gens de la religion, l'édit de Nantes, comme il l'appelle. Le roi confisque les biens des protestants et les exile hors de France. » Dame Michon joignit ses mains sur sa poitrine et murmura. « Ah, si Rohan n'était pas huguenot !» On dit, poursuivit Jocelyn, que Rohan a été dénoncé comme protestant par un serviteur de sa propre maison. Alain Polduc, interrompit la femme de charge, pâle de honte et de colère. On dit enfin que sans le comte de Toulouse, les soldats du roi seraient déjà au château de Rohan. Sans le comte de Toulouse ? Répéta la femme de charge qui ouvrit de grands yeux. Rohan protégé par le comte de Toulouse ? J'y suis. Morvan de Saint-Maugon aura intercédé pour nous. L'enfant s'éveille et sourit au nom de son père, dit Jocelyn, qui prit dans le berceau une adorable petite fille blanche et rose pour l'élever jusqu'à ses lèvres. La petite fille, éveillée, souriait en effet, et ses mains mignonnes se cramponnaient aux boucles brunes des cheveux de Jocelyn. « J'ai bercé sa mère il y a 18 ans, murmurait Dame Michon, mais le berceau de sa mère était entouré de dentelles et de fleurs. « Sais-tu, se reprit-elle, tandis qu'un nuage d'inquiétude passait sur son front. « Ils ont encore demandé aujourd'hui où tu as pris cet enfant-là. « Laissez-les dire, ma mère. « Mais si quelque jour, Rohan lui-même te le demandait ?» Le visage de Jocelyn devint plus grave. Il tenait l'enfant contre son cœur. Malgré lui, son regard se leva vers le ciel. « Notre Valentine est une sainte, prononça-t-il tout bas. « Un prêtre a béni son mariage. « Mais je mentirais à Rohan pour la première fois de ma vie. » Si Rohan me demandait cela. Va, s'écria Dame Michon qui lui tendit les bras. J'ai de l'orgueil quand je t'écoute, Jocelyn, mon fils, et je remercie Dieu d'être ta mère. Il y eut silence pendant lequel on put entendre le galop lointain d'un cheval battant la mousse de la forêt. Jocelyn se dégagea des bras de sa mère et prêta l'oreille. C'est elle, murmura-t-il. Ma mère, reprit-il tout haut. « Maître Alain Polduc a-t-il fait comme les autres ? A-t-il demandé d'où me vient cet enfant ?» Dame Michon sembla interroger ses souvenirs, puis elle répondit « Jamais. » « Alors c'est qu'il a peut-être deviné, pensa Jocelyn. Et s'il a deviné, malheur à lui. » « La voilà !» s'écria Dame Michon, qui s'était approchée de la fenêtre. Un cheval, lancé à pleine course, sortit du couvert et traversa la pelouse comme un tourbillon. Une jeune fille, admirablement belle, dont les cheveux en désordre flottaient au vent, sauta sur l'herbe, ou plutôt tomba dans les bras de Jocelyn Guitan, qui s'était précipité dehors pour la recevoir. La sueur perlait à ses tempes. Elle était pâle de fatigue ou de frayeur. « Ouvre la porte du bord de l'eau, Jocelyn, » dit-elle rapidement. et d'une voix altérée. « Mon mari me suit. »« En plein jour, notre demoiselle ?» se récria le jeune gars. « Saint-Maugon, un gentilhomme du comte de Toulouse dans la maison de Rohan ?»« Plût à Dieu que ce fût le comte de Toulouse lui-même, » murmura Valentine, dont les yeux trahissaient un véritable égarement. « Ouvre la porte et hâte-toi, Jocelyn Guitant, si tu aimes ton maître. »